Madame, une telle chose mettra la pression. J'ai cassé ma puce avant la mission. J't'allume ta mère la pute et je rentre en prison. Chérie, va me prendre un gros baveux. J'suis solitaire, mais j'suis dans la tente. J'suis en train de baiser le rap. Un fils dans les airs et je le vis dans la tempe. J'ai perdu mon temps, j'ai le psychiatre. Désolé si j't'insulte ta mère. Mon shit, c'est Dieu, c'est 4 poteaux. Je ne fume pas sur ta merde. Je t'emmène. C'est 63, AMG. Le bon emploi va lécher. Mauvais endroit, code méchant. Ici ça marche en équipe. Pour moi ils viennent tirer des camos descendus du guide. Sous ma vie j'ai rien à prouver. Ici ça marche en équipe. C'est tourné. Location dernier Cayenne. C'est tourné. Une tasse paye bien plus bonne Cayenne. C'est tourné. Graine de cave chemise hawaïenne. C'est tourné. Shit, coke, arme, lias, mes frères ça vous j'habite. Que du cœur noir par habitude. Au cercle de bastos demande un habile. Ok, juge, bleu, broc, bac, pute, traite, vous pardonnez. Ok, faut monter d'abord sur ma bite. J'ai des grosses couches, descends de mon père. J'suis nerf de ma mère, millions de dollars, j'me barre de la merde. Grosse pute au bord de la mer. Ok, je tiens le flingue, t'es qu'une tape. Hein. J'fais de la musique, c'est qu'une étape. Hein. Mais la différence, c'est que t'as tout, va compte dans une banque. Comme moi, je me marche en équipe. Pour moi ils avaient tiré des camos descendus du guide. Sous ma vie j'ai rien à prouver. Ici ça marche en équipe. C'est tourné. Location dernier Cayenne. C'est tourné. Une tasse paye bien plus bonne Cayenne. C'est tourné. Graine de cave chemise hawaïenne. C'est tourné. Je suis avec une beauté rare, une nuit tropicale. Grâce aux banques, j'ai la montre à bigard. Ouais, j'ai Rise, un vlog de flicard. On fait des sous, on était pire que Smika. Allez, allez, la crimara, fallait, fallait. J'suis pas au placard, encore dehors avec un bébé 4x4. Laisse parler. J'fume du bon shit, fils de putain. Père de Gucci, elle le boutin. Argent sale, je garde bon teint. Le marchand de sable récupère le butin. Grand hôtel, coin VIP, vape. Cousin, paye-moi vite, vite. Armé dans la caisse, charge, ralentis, bête à marche. Ça marche en équipe. Pour moi ils avaient tiré des camos descendus du guide. Sous ma vie j'ai rien à prouver. Ici ça marche en équipe. C'est tourné. Location dernier Cayenne. C'est tourné. Une tasse paye bien plus bonne Cayenne. C'est tourné. Graine de cave chemise hawaïenne.